Françoise. Oui. Suite à ton coup de gueule, Gérard a écouté. Et Gérard s'est pointé dans les studios, c'était pas du tout prévu. On m'a dit qu'elle est à l'accueil, il veut répondre à ce qu'a dit Françoise. Ouais. Alors, Gérard, vas-y. Bon alors, Françoise, c'est quoi cette histoire, là? C'est quoi cette histoire? Non, mais attends, j'ai écouté, il paraît que je t'insulte maintenant, depuis quand? Oui, il paraît que tu m'insultes. Oui, alors, quand? Françoise, t'es gentille? Oui, je suis très gentille. Non, mais tu me dis quand et qui te l'a dit? Bah, il y a plusieurs personnes qui t'ont écouté sur l'antenne, que t'arrêtes pas de dire que je suis une poivrotte. Ah bon? Alors quand je vais te dire ça? Ah ça, j'en sais rien. Je suis pas sans arrêt sur l'écoute. Non, mais attends, Françoise, parce que d'après ce que t'as dit tout à l'heure, parce que j'ai écouté, ouais. Il paraît que je l'aurais dit jeudi. Ah non. Ah si, je suis désolé. Ah non, parce que jeudi, c'était son débat. Oui, jeudi, c'était son débat. T'as pas compris? Non, mais Françoise, je vais te dire une chose. Que la personne qui a été te dire ça... Il y a plusieurs personnes, hein. Non, mais de toute manière, toutes les personnes qui ont été te dire ça... Ouais. Vas-y. Poursuis. Ouais, je vais continuer. Donc, toutes les personnes qui ont été te dire ça... Ouais. Tu pourras leur dire que c'est des menteurs, parce que j'ai jamais été t'insulter à l'antenne. Au contraire. Mais de toute façon, t'as pas intérêt, hein. Non, attends, j'ai pas intérêt, attends. Je suis pas ta petite copine, moi, hein. Non, mais moi, je suis pas ton petit copain non plus. Bah, donc, dans ces cas-là, t'as pas à dire comme ça en direct. Comme quand je t'insulte. Hey, non, y a que la vérité qui blesse, hein, je suis là. Ouais, mais y a que la vérité qui blesse. Alors, moi, je vais te dire une chose, la vérité qui blesse, c'est que pour l'instant, t'es en train de mentir. Parce que là, t'as rien. Ah non, je mens pas. Si. Non, si, pas tu mens. Si, tu mens. Non, pas du tout. Si. Parce que j'ai jamais été insulté. C'est pas vrai, t'es une menteuse. Donc moi, là je peux me permettre de te dire que t'es une menteuse, là. Bah, d'accord, je suis menteuse. Je te traite de menteuse. Mais maintenant, fais-nous voir des preuves. J'ai pas de preuves, hein. Par contre, toi, t'as des preuves sur le 3668, hein. Non, mais attends. Attends, ça, 3668, c'est pas... Ouais. Non, mais ça, c'est... J'ai pas eu le temps de le dire... Me dis pas ta gueule ni quoi que ce soit, parce que moi, je t'envoie chier directement, hein. Non, mais attends, pour l'instant, je viens de te dire que le 3668, ça te regardait pas, c'était pas ton problème. C'est pas ton problème. Oui, mais de toute façon, j'ai dit à Max, de toute façon, t'es dans le coup, de toute façon. Quoi, je suis dans le coup, dans le coup? Oui, t'es dans le coup. Dans le coup de quoi? T'es dans le coup, t'es au courant de... Non, une histoire comme ça, excuse-moi, mais on prend pas, par exemple, Gérard, soi-disant, on téléphone au 3668, on demande un coup de gueule, je voudrais entendre Gérard gueuler, fermer votre gueule, machin, truc chouette, et d'un seul coup, on entend Gérard, ou Gérard qui se balade... dans un train, hein. C'est un peu imaginé, hein. T'es franchement au courant, hein, de toute façon, hein. Alors, il faut pas prendre des vessies pour des lanternes, hein, comme on dit si bien, hein. Je suis désolé, hein. Non mais attends, Françoise, t'as bien fini là Oui, là, pour le moment, j'ai bien fini là. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas écouté. Tu vois, ce que tu viens de me dire, j'en ai rien à foutre. Bah, j'en ai rien à foutre, mais ça n'empêche pas que ça a été dit. Eh ben dans ce cas-là, tu sais ce que tu as fait? Comme t'es... Moi, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Les autres derrière qui rigolent. Vas-y, et donc que? Bah, je sais pas. On comprend rien. Qu'est-ce qu'il dit, Gérard? Pourquoi que... Et que donc, François, tu disais que donc il était de mèche. Oui. C'est ce que les gens pensent, en tout cas. Hein. Bah oui. Eh ben, Françoise. Oui. Tu fais ce que tu veux, tu viens vendredi. Bah oui. Non, tu prends ma place jeudi. Non, je prends pas ta place jeudi. Non, mais comme... Non, je prends pas ta place jeudi, moi. Non, on arrête là.